alors quoi, où j'ai reçu le pardon de mon cœur et ôté, où vous venez, quand plus tard je suis racheté, et je chante à celui qui m'a sauvé, à la croix, à la croix, à la croix, où je reçus le pardon de mon cœur et aussi, je ne crains plus car je suis racheté et je chante à celui qui m'a sauvé, ne colosso. Colossum, colossum, et pas malin, mes amis, mon combat, bien-aimé, notre Père Céleste, nous te remercions abondamment ce soir pour ce privilège que tu nous accordes de nous rassembler au nom de Jésus-Christ. Laisse, Père, que nous puissions suivre le chemin que tu as tracé pour nous et t'offrir un service agréable, le culte selon Dieu, en vertu de la révélation, depuis nous du vieil homme, des choses de la terre, des choses du péché, depuis nous de toute impiété, revenons de ta divinité, de la sainteté de Dieu, de la piété pour être comme Dieu. Nous croyons que tu es notre soutien, car tu nous as pas appelés en vain, tu nous as sorti du monde où nous étions présents, et tu nous as indiqué ta vérité, ta parole, ta nourriture pour l'âme. Nous l'avons accepté, nous choisissons de suivre cette voie. Heureux de te connaître. Exauce nos prières maintenant. Accueille-nous dans ta maison, là, dans ton royaume céleste. Accueille-nous, Seigneur, et que chacun ait une représentation divine, qu'il ait une adresse où il est reconnu par le Dieu créateur, notre rédempteur. Amen. Seigneur, exauce nos prières. Bénis la réunion de ce soir. Que chacun de nous se retrouve auprès de toi. Laisse les personnes dépaysées retourner sans consolation. Nous voulons que tu secours chacun. Que ceci soit un moment utile. Amen. Pour restaurer nos âmes. Pour réveiller nos esprits, que nous soyons aux aguets, car ta venue est imminente. Nous ne voulons pas périr avec le monde de pécheurs, nous voulons être sauvés avec le courrier. Nous avons dit que si le juste se sauve avec peine, quand sera-t-il pour l'impie et le pécheur? Nous voyons que Dieu a tracé la voie, et tu es toi-même le sauveur. Quand tu nous as attirés vers toi, Seigneur, c'est pour le salut de nos âmes. Que ton nom soit élevé au-dessus. Et que ta parole touche la société. Que la scène l'objectif. Tu as dit qu'elle ne peut pas retourner à distance. Sans avoir accompli ce pourquoi Dieu l'a envoyée. Nous sommes convaincus qu'elle est efficace. Elle est encore vivante. Elle est agissante. Elle est guérissante. Elle libère aussi. Que ton nom soit élevé. Et que ton évangile soit glorifié. Qu'il se répande davantage. La peine des pécheurs. Et convertissez le cœur. Au nom de Jésus-Christ, prions ici. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu maintenant. Dans Jean au chapitre 8. Jean chapitre 8. Nous lisons le verset 15 à 18. Vous jugez selon la chair,

Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et veuillez vous asseoir au nom merveilleux de Jésus-Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue ici à la table du Seigneur. Où nous nous apprêtons à proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu, reconnu-t-il par sa résurrection dans le monde, par l'effet de l'Esprit éternel du Dieu vivant, il a effectivement ressuscité des morts. Pour confirmer les Écritures, pour confirmer les promesses écrites de Dieu. Dieu est fidèle. Et nous poursuivons notre sujet. Hier, celui de comment éprouver un ministère de la parole. C'est une question. Et là-dedans, nous sommes arrivés à l'étape où nous examinons les trois questions bibliques pour identifier un ministère. Hier, nous avons été conduits un peu particulièrement. Telle était la volonté de Dieu que je vous donne ces morceaux-là. Vous voyez ça? Et il nous a permis de vous les donner ici. Pour que nous puissions demander à Dieu des bonnes choses. Mais mercredi, vous aurez remarqué que nous avons insisté sur le témoignage vrai de Dieu lui-même, de sa parole et du serviteur. Les trois, par leur identification, leur déclaration, devrait dire exactement la même chose. Le Père Céleste ou le Saint-Esprit de Dieu, sa parole écrite, le témoignage vrai de Dieu le Père, et sa parole écrite et du serviteur ou du ministre. S'il y a contradiction, s'il y a quelque chose qui n'est pas bien réglé, la vérité que l'Église doit retenir, que les croyants doivent soutenir au sujet de l'identité ministérielle d'un homme envoyé de Dieu, doit refléter ce que l'Esprit déclare au sujet de cet homme, la commission que Dieu lui a donnée, ce que le Saint-Esprit lui a donné comme ordre de mission, ce témoignage de Dieu à son Dieu. Le ministère est un don qui dépend de l'appel de Dieu. Et il faut ensuite la confirmation de la parole écrite qui va dans le même sens que ce que l'Esprit a dit à l'homme. Et il faut ensuite interroger l'homme aussi lui-même. Que dit-il de lui-même? Et il faut que les trois concordent. Et comme je ne cesse de vous le répéter, vous devez réaliser qu'il faut la grâce de Dieu, il faut une révélation. C'est pas le four intellectuel. Une gymnastique scolaire. C'est pas du mastering intellectuel. Non. Bon côté. Il faut que Dieu vous révèle quelque chose. Et je suis certain que le même Dieu qui peut parler à un homme, derrière, où il s'est tenu seul, dans les sables sacrés du désert, je crois que le même Dieu peut révéler la même chose à ses autres enfants. Comme confirmation surnaturelle que celui-là est envoyé. Le même Dieu. Et le témoignage va concorder. Êtes-vous là? Amen. Le témoignage va concorder. Oh, que Dieu soit béni. Amen. Parce que Dieu existe. Amen. Dieu existe et il a sa manière de faire. Et il est parfait. C'est vrai. Il est parfait. Nous avons plein de bons exemples comme ça. Mais je ne peux pas ne pas le dire. J'aimerais rappeler que mercredi, nous avons lu quelque chose dans le prophète. Et c'est fondamental. Souffrez que je revienne un peu. Parce que j'estime que c'est important. C'est quelque chose d'important. Nous pouvons y revenir un petit moment par la grâce de Dieu. Voyez frère, donc ici dans les sermons, les témoins, je crois que c'est là que Frère Branham a eu à dire ça. Laissez-moi retrouver ça rapidement ici. Oh. Ok. C'était prêché le 30 septembre. Voilà, tout pour vous mettre à tour. Oh là là. Juste... Non, non. Il faut ne pas prendre ça. Il faut prendre autre chose. C'est dans les sermons, écoutez-les. Donc les témoins, c'est encore plus vieux que ça. Prêché le 6 août 1960. Écoutez-les. Voilà. Je prends la dernière partie. La Bible dit dans Hébreux 11, la Bible dit dans Hébreux 11 que Dieu rend témoignage à son nom. Si quelqu'un dit quelque chose, un homme peut dire quelque chose. Mais si Dieu ne fait pas écho à cela par sa parole et par sa présence, alors il n'a pas de témoin. Cet homme qui a parlé, qui a témoigné d'une chose, qui a fait une déclaration, n'importe qui peut dire n'importe quoi. Hier nous avons entendu que le temps dans lequel nous vivons, c'est un jour marqué par une paix instable et un repos instable partout. Les gens sont dans un état de famine. Et quand les gens ont faim, ils peuvent manger n'importe où, ils peuvent manger n'importe quoi. Même dans une poubelle, ils iront manger. À cause de la pression de la faim. Le prophète nous a alertés. Et dans un jour comme le nôtre, n'importe qui peut faire des adeptes. Même si c'est un sorcier, même si c'est un magicien, il ne fait se faire des adeptes. Dès qu'il va faire un bruit, il y aura des gens qui vont écouter ça. Ils permettront à suivre ça, à partir de là. C'est la situation dans laquelle nous sommes. Mais non, il ne suffit pas que quelqu'un dise une chose pour que vous dites que c'est Dieu. Il faut que l'homme, quand il a dit, que Dieu fasse écho de sa parole. Qu'il fasse écho de cela dans sa parole. Et aussi par sa présence. Pas seulement que l'homme a dit, et nous avons trouvé quelque chose dans la parole qui est allé dans sa parole. Mais il faut aussi que lorsque vous êtes vous et l'homme ensemble, et la présence de Dieu se manifeste. Parce que Dieu n'est pas qu'un Dieu de théorie. Il n'est pas qu'un Dieu de loi. Il est aussi un Dieu de vrai. Vous savez que sa Bible dit cela dans Jérémie 3. Il est un Dieu de vrai. Il est celui qui remplit les cieux et la terre. Il faut que sa présence se manifeste. Et que la parole de Dieu fasse écho. C'est ce que l'homme a témoigné. Êtes-vous là? Un homme peut dire quelque chose. Mais si Dieu ne fait pas écho à cela, par sa parole et par sa présence, alors il n'a pas de témoins. Et pourtant, dans Romains 3, verset 4, il est clairement écrit que tout homme soit considéré comme malheur et Dieu seul soit tenu pour vrai. L'homme peut dire tout ce qu'il peut dire, répéter cela, mais si Dieu ne fait pas écho de cela, si Dieu ne fait pas écho de cela par sa présence, arrêtez de vous distraire. Dieu n'est pas dedans. C'est comme lorsqu'on avait les Urim et les Thummim dans la fin de l'année. N'importe quel songeur ou un prophète vous avez les Urim. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, Dieu a reçu un message, Dieu a dit une vision, Dieu a reçu un songe. Il devait venir avec devant le souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur devait porter l'unité du peuple de Dieu. C'est-à-dire le pectoral du jugement. Où il y avait deux rangées de pierres. Chaque pierre représentait une tribu d'Israël. Ils étaient enchâssés là-bas. Et le sacrificateur portait sa cire, sa poitrine. On enlevait les voiles et on dit à l'homme, raconte. Oh, je réveille dans mon rêve et puis j'ai vu un oiseau noir et puis il est venu, il a béqué le peuple d'Israël. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, bientôt il y aura une guerre en Israël. Et donc on lui demande, mais tu as fini? Aussi, aussi, aussi. Oui, c'est fini. Il est fini. Regarde, monsieur. Nathalie. Y arrive. Et le côté. Sur la pierre, y arrive. Dans ma banque, et le côté. Dit, monsieur. Baloyo. Votre songe sonne merveilleusement bien. L'autre n'a pas la il n'était pas de Dieu. Parce que vous êtes oh non! Mon cas vous ne me parlez pas de Dieu. Dieu me parle beaucoup. Messieurs, ça ne vient pas de Dieu. Mais comment vous les savez? Il a dit, les 12 pierres devaient refléter les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Raconte librement. J'ai eu la vision, j'ai eu les sons, j'ai reçu une prophétie, un message m'a été donné. Je crois que c'est Dieu qui a parlé. Allez, allons-y. Là, on ne peut pas tricher. Voilà, c'est la poitrine de qui se manifeste sur lui. Donc si la chose venait de Dieu, vous ne ferez aucun effort. Vous commencez seulement à raconter. Si vous êtes fidèle, si vous ne l'avez pas déformé, et que c'est vraiment ce que Dieu vous a montré, vous verrez seulement des pierres commencer à scintiller. C'est comme si elles commencent à bouger. L'une entraîne l'autre, l'autre entraîne l'autre. Et puis ça reflète de lumière. Et ça, ici, va pour regardez, du violet, du bleu, le vert, le jaune, rouge, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Ça reflète là, ça peut même se projeter sur vos amis. Vous voyez que l'assurance, ça vous donne, hein. Attendez, vous montez les colombes. Voilà, il y a une lumière plurielle. Tumim, perfection. La lumière parfaite d'un Dieu parfait. Qui se confirme lui-même. Qui se défend lui-même. Voyez, vous savez que ça peut même vous donner de l'onction. Au-delà de l'émotion que ça peut vous faire. Le grand Dieu créateur. Venir confirmer ma petite chose. Donc je pouvais vous dire. Oh, ça vient vraiment de lui. Quel gage. Pour savoir que tu te laisses avec Dieu. Et Dieu est avec toi. Est-ce là? Le Urim et le Tomim. Lorsque le sacerdoce lévitique est passé, on ne vient plus à Dieu comme cela. Maintenant, la Bible ici. C'est ça le Urim et le Tomim. Propre nom nous dit, elle est l'absolu de Dieu, l'absolu de William Branham, l'absolu de tous les disciples que Branham a conduits à Christ. C'est la Bible. Elle est l'absolu. Peu importe ce que quiconque peut dire. C'est elle l'absolu. On peut se lever. C'est vrai, J'aime ça comme ça. Même si les autres n'aiment pas ça comme ça. Il y en a qui disent que c'est une grande forêt. Réservée uniquement au prophète Branham. Même un frère est allé chanter ça comme ça. Mais demandez-le où est-ce qu'il a trouvé ça dans le passage. Il y en a pas. Que c'est une grande forêt réservée uniquement au prophète. Branham n'a jamais dit ça. S'il pouvait dire ça, alors il se serait contredit en disant que c'est l'absolu des véritables croyants. L'absolu, c'est l'arbitre. Si vous ne savez pas lire les consignes de l'arbitre, c'est que vous n'êtes pas un joueur formé. Donc, vous n'êtes pas un match dans une compétition. Allez jouer ailleurs. Mais pas dans un terrain de football. Là où il y a l'arbitre, tout joueur doit savoir lire le message de l'arbitre. L'absolu, c'est l'arbitre qui tranche. Et si la Bible est notre absolu, elle est notre arbitre, tous les compétiteurs, tous les croyants qui se battent pour entrer au ciel, doivent être capables de comprendre le langage de la Bible. Quand il dit debout, c'est debout. Quand il dit stop, c'est stop. Quand il dit n'ajoute rien, n'ajoute rien. Quand il dit ne retranche rien, ne retranche rien. C'est l'arbitre qui a tranché. Si vous faites autre chose, vous Au temps de l'Ancien Testament, le sacerdoce lévitique, à travers le fils d'Aaron, il y avait ces Urim et Tumim. Mais dans le Nouveau Testament, le prophète Branham nous dit, c'est la Bible qui est le Urim et Tumim de Dieu. Et l'Église doit venir ici. Quelle que soit la chose qui vous est révélée. Il ne faut pas qu'elle soit une chose écrite à un seul et unique endroit. Mais si la chose vous estimez qu'elle vous est révélée et qu'elle est conforme, elle doit se refléter de la Genèse à l'Apocalypse. Le prophète nous dit que ça ne doit pas être écrit seulement à un seul endroit. Mais ça doit aller de la Genèse à l'Apocalypse. Qui dit amen à la vérité? Oh, c'est très important ça. Que Dieu nous aide là. À saisir cela. Si je pouvais retrouver la déclaration, ce serait encore une bonne chose. Donnez-moi le temps de prendre ça. Les questions-réponses du 12 janvier 1961. Je vais prendre ça un peu là-bas. Les questions-réponses du 12 janvier 1961. La version de Shekinah Publication. Alors, voyons un peu ce que Frère Branham dit. Ok. Je rappelle ce qui était dit la semaine passée. D'abord, on parle de l'appel 8. Il dit ceci. Maintenant, il y a là un grand tour que l'ennemi peut vous jouer. Il peut vous faire penser que vous n'avez pas été appelé. Alors que vous avez été appelé. Ensuite, il peut se retourner carrément et vous faire penser que vous n'avez pas été appelé, vous avez été appelé alors que vous ne l'avez pas été, et vice versa, dans un sens comme dans l'autre. Vous devez donc veiller à cela. Nous disons amen. Paragraphe 9. Maintenant, voici comment agir. Voyez d'abord, bien. Maintenant, ceci est un conseil. Tout ce que je peux vous dire là-dessus, c'est un conseil. Voyez-vous, mais assurez-vous que votre appel vient de Dieu. Et ensuite, voyez quels sont vos motifs et objectifs. D'abord, vous rassurez que l'appel que vous avez, c'est un appel au ministère de Dieu. Et ensuite, vérifiez vos motifs et vos objectifs. Sommes-nous là? Les motifs, les motivations et les objectifs. Ok. Voyez-vous? Eh bien, vous comprenez ce que je veux dire par là? Pour quel motif prêcher? Pensez-vous que c'est un travail plus facile que celui que vous avez? C'est comme à l'époque de 1984-1985. Ici, en RDC, beaucoup sont allés, ils ont fait l'IPN, ils étaient des enseignants. Pédagogique nationale, qui est devenue l'université pédagogique nationale. Et à ces années-là, les pouvoirs politiques n'ont pas négligé de payer les enseignants. La crise est entrée dans l'enseignement. Savez-vous ce que beaucoup d'enseignants qui étaient courants des messages sont devenus à cette époque? Oui, des prédicateurs du message. Sans appel. Ils ont vu que ça ne marchait plus dans l'enseignement. Mais là où ils pouvaient exposer plus à l'aise librement, sans vous enfermer dans une chambre, lire la brochure, bloquer la brochure. Et venir les battre. Beaucoup sont devenus des prédicateurs comme ça. Ils pensaient que, comme on les a appris à l'IPN, et dans l'option de pédagogie, à faire la synthèse de matière, comment résumer une leçon, ils ont pensé que c'était un travail facile, on peut résumer une brochure. Il suffit de s'enfermer 3 jours, lire les deux petits, on retient, on peut faire la synthèse et aider les enfants de Dieu. Et à cette époque-là, plusieurs avec le zèle de l'époque, il n'y avait pas beaucoup de brochures, on trouvait, si son frère a une brochure, il est permis à recopier ça à la main. Pour remettre la brochure imprimée à celui qui a savez-vous que moi aussi j'ai fait la même chose? Il y a des années, j'écrivais des brochures à la main. Et après, quand Dieu m'a fait grâce, j'ai acheté une machine à l'infographie. J'ai commencé à dextographier les brochures. Donc, c'était recherché pour avoir les brochures. Je m'étonne, hein? On vous donne même les brochures, il y a Ophélé, Bélé, Koutou, mais ils ont joué comme la poussière, ils ont rouillé comme la bandage, vous ne lisez même pas. Mais nous, frère, oh là là, une brochure. Et puis il s'est trayé. Mais il faut voir que l'engouement. Quelle agitation. Quand je rate, je récupère. Je recopie à la main. Et j'ai aussi les références moi-même. Je ne peux pas dire que je suis un prédicateur, mais croyant. Je ne parle pas de ce qui s'est passé après l'appel. Je parle de ma vie de croyant. Je parle. Donc, titre Moko, ton référence, Moko, Moko, Moko, Moko, Moko, Moko, Moko, Moko, Moko, Moko, Moko, Moko, Moko, Moko, Moko, Moko, Moko, Moko, Moko, Moko, Moko, Moko, Moko, Moko, Moko, Moko, Moko, Moko, Moko, Moko, Moko, Moko, Moko, Moko, Moko, Moko, Moko, Moko, Moko, Moko, Moko, Moko, Moko, Moko, Moko, Moko, Moko, Moko, Moko, Moko, Moko, Moko, Moko, Moko, Moko, Moko, Moko, de la pédagogie. Après comment se tenir devant les gens. Mais c'est faux. Allez, allez, ma belle. À un moment, c'était devenu une compétition. Ils ont évacué même des critères. Pour reconnaître qu'un premier ministre. À une époque, je me rappelle, il y avait des frères qui disaient, si un prédicateur ne peut pas lire au moins 30 brochures à la chaîne. Quand il prêche, il n'a même pas de ministère. Il disait, bien, prêche maintenant. Vous n'avez que 5 brochures peut-être. Mais Dieu vous a appelé. Mais il y a des gens qui inventent des critères qui disent, un premier ministre, quand il prêche, chaque fois qu'il prêche, il doit au moins lire 30 titres. Matière à tout comme ça, tu as des gouvernements. Abeni au Hassan, à Tiri, Abeni Moussous total. Et il y a eu même des pasteurs mariés qui venaient à l'église avec des brochures en brouette. Et c'est la femme du pasteur qui tirait la brouette. Ils allaient, moi c'est mon pasteur, ils allaient gober là. Crouc, crouc, crouc. Ah, nous qu'à des églises. Alléluia. Aujourd'hui, tu folia. Et puis, brouette, il y a moins d'un côté de la croix. Crouc, crouc. Mais il y a un côté. Écoute-moi. Ah, man est allé. Vous voyez que le ministère, il est revenu. Bateau, bazar, que qu'on a dans la société. Il faut qu'on s'en mêle gnos, qu'on tient dans la condition malade. Il y a alors des prédicateurs qui étaient dans une telle compétition charnelle. Compétition intellectuelle. On a vu les gens se complexer. On n'a même plus raconté qu'ils étaient des prédicateurs. Il y a des frères qui commencent à s'identifier comme des simples exhortateurs. Devant cette vague-là. Oh non, moi je ne suis pas ministre. Oh non, ne me créez pas de problème. Je suis juste un exhorté. Je peux lire deux ou trois versets. Je donne un million de versets. Je ne me compte pas parmi les prédicateurs. Notre message a connu du chemin. Mes chers amis, Maninga, tout ça a décrit. Oh, des critères inventés comme ça. Où est-ce que vous allez? Écoutez, vous dites par exemple, il faut qu'on lise 30 titres de l'Évangile. Parce que la vérité de Dieu est impersonnelle. Dieu ne fait pas de favoritisme. Les critères que vous donnez doivent être valables pour tous les chrétiens. Ça ne doit être des critères nouvellement inventés. Bon, prenez ces critères-là. Un prédicateur pour être reconnu ministre, il doit lire quand il prêche. Il dit au moins 30 titres de prédication. Dites-moi, vous appliquez ces critères à faire Branham lui-même. Vous pouvez me dire qu'il a un ministère. Pour reconnaître le ministère, commençons par appliquer ces critères pour éprouver William Branham. Quand il prêchait, est-ce qu'il lisait au moins 30 titres de prédication de William Branham? Non, non. Vous réalisez que non, c'est une histoire fabriquée. Vous réalisez que c'est une histoire fabriquée par des démons. Qui va retirer le ministère, même au prophète de l'âge. Maintenant, ça va nous servir à quoi? Appliquez ça au prophète. Branham dit que 33 ans durant. Si vous vous dites que cher, ça n'a été que l'écriture sur l'écriture. Il ne lisait que la Bible quand il était. Et même Jean qui disait ces histoires, il se moquait à mort le prédicateur qui ne prêchait qu'avec la Bible. Quand il le voyait à la chair, il a dit qu'il voulait. Même il claque les portes du sol. Entrez de murmurer, qu'est-ce que c'est? Quand on a dit le bisota. Bisous tout le monde, c'est lui. Pour le voyage, il y a comme ça pour les. Bible, la Bible, il faut que je Bible, on crache sur la Bible. Comme si le message était venu nous apprendre à mépriser la Bible. Tout ça, ce sont des pratiques des démons pour semer la confusion et faire discréditer le glorieux message de notre temps auprès des gens du dehors. Et c'est ça. Voilà. C'est ainsi que certains ont formé des pires branhamistes. Ils sont allés évangéliser. Quand Branham dit l'évangélisation au temps de la fête de Malachie, ou le message de l'évangéliste du temps de la fête est tiré de Malachie, ça veut dire il peut évangéliser avec les brochures. Tu peux être là, tu étais catholique. Il s'amène là comme un témoin de Jéhovah. Avec les tours de garde et tout ça. Il est réveillé vous. Il s'amène. Pour lui, il commence à lire. Voyez, Branham, il a eu apprécié en 1962. Voici ce qu'il dit dans la prédication. C'est rangé du côté de Jésus-Christ. Celui qui est là est en train de les suivre. Donc ce n'est plus la Bible que vous prêchez. Vous allez vivre que vous allez côté, hein. Incrédule. Vous allez côté. Mais quand il est parti. Et c'est nous, Dieu veut dire, c'est lui qui est parti maintenant. Quelle violence. Voilà, comme ma casse, la même ligne. Ici, celui-là était l'esprit faible, manipulable. Après. Ok, amen. Nous amen. Amen. Nous venons au bas de ça. Kakabou, Nanko. Et puis, il y a l'autre. Frère, on s'en va. On prend la clé de l'homme. Ah, mais on a écrit tout le monde. Pikabasou, Yakawa. Nafri na yé nabi. Nali ni gobat sa yo. Bangou, bangou. Moto, moto. Yé wala namaï. Papa, t'y s'y est. Avec une brochure à main. Oui. Tu vois toujours croire. Ce que fait Branham. On a son évangile pour le bas. Et on est devenu frère comme ça. Maintenant, quelqu'un qui est devenu frère de cette manière, quand vous allez lui présenter la Bible, vous écoutez. Donc, il a été copieusement égaré, stratégiquement égaré. On l'a rodé à ne pas écouter la Bible. Et on a fait de lui un branhamiste depuis. Voyez ça. Vous m'avez une fois, on a vécu un peu ça à la rivière ici. Voilà, moi, il y avait un branhamiste qui devait baptiser nous en Tanzanie. Il est entré dans l'eau avec le condensé de cette source. Moi, j'ai dit, mais ce monsieur, qu'est-ce qu'il veut fabriquer encore ici? Il avait le condensé ici à la main. Après, il remet ça au frère. Il a dit d'abord au frère. Vous voyez ce que le prophète a dit ici. Il remet un frère là. Après, il prend la personne. Il tient le nez au nom de William Marion Branham. Il sort du lot. Baptême. Au même endroit où beaucoup d'entre vous ont été baptisés. Dans le même cours d'eau. Au même endroit où nous avons été baptisés juste après nous aussi. On est entré à la même frange d'eau et nous avons baptisé. L'un est baptisé chrétien. L'autre est baptisé branhamiste. Dieu seul est juge. Voyez-vous la marche? C'est tout ce qui se passe. Que Dieu nous aide. Amen. Donc, quand un homme bénit Dieu, nous voulons que Dieu fasse écho de cela par sa parole et aussi par sa présence. Amen. C'est vrai. Solo. Avançons avec ce qu'il a dit ici. J'étais dans les questions-réponses le 12 janvier 1961. Examinez, assurez-vous d'abord que votre appel vient de Dieu. Et ensuite, voyez quels sont vos motifs et vos objectifs. Voyez-vous, pour quel motif prêchez-vous? Pensez-vous que c'est un travail plus facile que celui que vous avez? Dans ce cas, vous feriez mieux d'oublier cela, ce n'était pas un appel. Il dit au paragraphe 1. Un appel de Dieu brûle dans votre cœur, au point que vous ne savez vous reposer nuit et jour à cause de cela. Vous ne pouvez tout simplement pas vous en débarrasser. Cela vous tourmente constamment. C'est un appel. Mais Dieu vous parle quand il vous parle. Il est un Dieu de précision. Car il habite la lumière. Avant d'avoir quatre napolés. Il n'est pas un Dieu de confusion. Alors, et ici, paragraphe 31. Et si vous deviez prêcher, maintenant un autre objectif. Je crois qu'avec le travail que j'ai, si j'étais un évangéliste ou un pasteur prospère, avec un bon salaire, avec un bon salaire fixe, et avec une maison où j'aménagerais, et ainsi de suite. Et pour y vivre, alors je crois que ce serait une bonne chose. Et cela serait beaucoup plus facile que ce que je fais maintenant. Et je pense vraiment que ce serait. Maintenant, voyez-vous, pour commencer, votre objectif n'est pas juste. Voyez-vous, ce n'est pas juste. Dans ce cas-là, vous êtes dans l'erreur là-dessus. Ensuite, vous dites, bien, peut-être comme je suis, je pense, peut-être que je serai plus populaire parmi les gens. Un autre objectif. Pas tellement avoir un salaire fixe. Les gens viendront déposer la nourriture chez moi à la maison. Comme je le vois chez les autres là-bas. Je vais m'améditer la Bible. Parce que nous sommes fou et tout ça. C'est une bonne chose. Voilà, vous allez le faire malamou. Ça, un appel. Bien à quoi? Voilà, à tel qu'à mon moment, on a pas de problème. Et donc, peut-être que ça. Oui. Oh, je pense que peut-être je serai plus populaire parmi les gens. Oui. On parlerait de moi. Les gens sauront que j'ai un nom. Tu vises la popularité. Ça, ce n'est pas un appel de Dieu. Non! Comment tu vas chercher la popularité là où ton Jésus-Christ est un modèle? Avec une couronne de pin sur la tête. Voilà, la classe, c'est formidable. Et toi, tu viens faire des calculs de popularité. Avec son évangile. Honte à toi. Voyez, vous rendrez compte qu'un grand échec vous attend. Certainement. Mais alors, paragraphe 33. Si votre objectif est celui-ci, peu importe si je dois manger du pain sec et boire de l'eau plate, je prêcherai néanmoins les manger. J'ai à manger ou pas, même à parler. Même nu, j'y ai. Voilà quelque chose d'original. Ah, bon, moi, je vais vous faire ma condition, ma vie. Je vais vous faire ma vie. Je vais vous faire ma vie. Je vais vous faire ma vie. Je vais vous faire ma vie. Je vais vous faire ma vie. Yango alambela. On s'occupe de toi. Qu'est-ce que les sapates ont à voir avec le ministère? C'est ce que les gens font. Faute d'appel. Wana kuzanga bila. Et d'autres zamblotes pour aller les ramener. Ok. N'importe qui peut se faire des adeptes. Et peut se laisser intimider aussi. Les pitoyables. Mawa. Mais si votre objectif est celui-ci, peu importe si je dois manger du pain sec et boire de l'eau plate, je prêcherai néanmoins l'évangile. Quelque chose remis en vous. Vous dites, où je prêche l'évangile, où je meurs. Voyez-vous? Alors, vous vous rendrez quelque part, parce que c'est Dieu qui traite avec vous. Dieu lui-même se fait connaître à vous, parce que Dieu ne vous laissera simplement pas tranquille. Quand c'est un appel, Dieu se fera connaître à vous. Il parlera plus fermement. Pour vous dire qu'est-ce que vous devez faire. C'est vrai. Et d'habitude, un homme appelé de Dieu n'aime jamais le faire. D'habitude. Un homme appelé de Dieu n'aime jamais le faire. Avez-vous déjà pensé à cela? Tout récemment, quelques très précieux frères m'ont demandé cela. Maintenant que nous trouvons sur le chemin très brillant. Maintenant que nous avons trouvé le Seigneur, et avons reçu le Saint-Esprit, devrions-nous chercher des dons pour le ministère que nous devons exercer? J'ai dit, ne le faites jamais. Voyez-vous? Ne conseillez jamais aux gens de faire un ministère. Écoutez, parce que d'habitude, celui qui veut le faire, c'est celui qui n'est pas appelé à le faire. Rien que ça, ta tête est santé fixe. Amen. C'est lui qui veut le faire. C'est lui qui n'est pas appelé à le faire. Mais c'est lui que Dieu appelle à le faire. N'aime jamais le faire. C'est la personne qui essaye de s'éloigner de cela que Dieu utilise. Tu veux bien? C'est la personne qui essaye de s'éloigner de cela que Dieu utilise. Voyez-vous? Si elle essaye de s'en défaire, frère, je vous assure, j'ai un appel, mais mon vieux, je n'aimerais pas personne. Bien, vous y êtes. C'est ça, essayer de fuir. Comme il sait que l'appel est déjà là, mais il trouve des prétextes pour ne pas le faire. Il voyage peut-être, puis voilà. Et il dit à Dieu, tu peux envoyer quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de gens qui méritent mieux que moi. C'est vrai? Alors, paragraphe 37. S'il brûle de le faire, vous savez premièrement qu'il se montre prétentieux. C'est qui moto pour faire yango? Oyebi déjà yo moko na kotala kabongo kamona ni lokola moto ya komi pumisa prétentieux. Il prétendra être ceci et être cela. Na kubanza eti yazali moko. Ah, il brûle de le faire. On pas que l'appel brûle dans vos cœurs. Quand Dieu envoie l'appel, Je t'assure que je ferai quelque chose pour toi. Tu me permets de déplacer les montagnes. Non. Il ne le fera pas. Il ne sait même pas afficher une attitude correcte. Dieu ne sait même pas afficher une attitude correcte. Il va prêcher les autres pour en faire quoi? Les chrétiens. Toi, prédicateur, prétentieux prédicateur, tu ne sais même pas afficher une attitude correcte. Mais tu veux aller prêcher les autres. Mais tu veux en faire quoi? Pour les faire devenir quoi? Voyez, frère. Donc il ne sait même pas afficher l'attitude correcte. Et par conséquent, il ne pourra jamais déplacer les montagnes pour Dieu. C'est vrai? Prenez par exemple Paul. Pensez-vous que Paul pouvait se défaire de son appel? Mon frère, il ne le pouvait pas. C'est là les tourmentés jour et nuit. Au point qu'il quitta son église. Il quitta tout. Il se rendit, et je crois que c'était en Asie, n'est-ce pas? Et il y resta 3 ans à étudier les Écritures pour savoir si cela était correct. Voyez-vous? Pour savoir si Dieu l'avait réellement appelé. 3 ans! Non pas apprécié! Dieu l'a appelé. Et lui a parlé. Paul est allé au décès. Étudier dans la Bible. Comment faire ça? 3 ans! Et Dieu ne l'a pas tué pour ça. Êtes-vous là? Vous allez voir là? Il ne voulait pas le faire. Le Paul. Il s'est réfugié au désert là-bas. Trouvez un motif. Il faut méditer la parole. Voyez? Donc il est allé étudier son appel et le comparer avec lui. Avoir des bases pour savoir de quoi parler. Non, mais ici la crise a frappé l'enseignement. Les gens se sont précipités à la chair. En grand nombre. Chacun j'ai quelque chose à cœur là. Et je veux partager avec les enfants. Donnez-moi la chair, je veux partager. Tu pries. Mawa. Ainsi frère, Bongondeko, si Dieu vous appelle et que cela continue à ronger votre cœur, alors vous rejetez tout fardeau et le péché qui vous enveloppe si facilement. Mais si cela ne vous ronge pas, vous n'y penserez pas tellement tellement. Laissez simplement cela se manifester. Êtes-vous là? Vous croyez non? Nous pouvons avancer encore plus loin dans la même chose. Oh, mes amis. Là. Je ne veux même pas dire ceci. Ok. Paragraphe 52. Ainsi, faites toujours ceci. Chaque fois que vous sentez que vous devez faire quelque chose, voyez d'abord si c'est scripturaire que vous voulez faire. Comparez d'abord ce que vous avez comme Bible et ce que la Bible dit. Tu ne veux pas te lever. Dieu m'a donné les dons de prophétie. Monsieur, madame, c'est quoi? Soyez tranquille. Vérifier. Paul a pris 3 ans pour réduire son appel. Non pas que Dieu n'avait pas parlé. Le Seigneur lui avait expressément parlé. Et il a surnaturellement confirmé. Même si Ananias. Mais malgré ça, 3 ans. Il n'était pas pressé. Il a pour asseoir la chose. Il a terminé le pour et le contre. Voir ce qu'il allait. Mais nous, comme on est tellement pressé. Et Frère Brunham dit, mais c'est ça, des problèmes. Il ne suffit pas que vous ayez entendu l'appel de Dieu. Sauter, bondir là-dehors. Vous pensez que vous faites ainsi la volonté de Dieu. Il dit non. Vous devez attendre le temps de Dieu pour le faire. Et comment le faire? Que Dieu vous le dise. Le Seigneur, renouvelons les forces. soyez patients. La patience marche de pair avec la sagesse. Amen. Ne soyez pas si pressés comme la diarrhée. Après, ça va donner de mauvaises odeurs. Tout le monde sera dérangé par ça. Soyez patients. C'est vrai. Solo. Écoutez ceci. Il dit. Rubi. Chaque fois que vous sentez que vous devez faire quelque chose, voyez d'abord si c'est scripturaire que vous le fassiez. Si cela se trouve dans les Écritures, attention, c'est là où je voulais vous amener. Pas simplement écrit à un seul endroit, mais je veux dire absolument scripturaire d'un bout à l'autre de la Bible. Les 12 pierres devaient réunir. Tous les livres de la Bible doivent rendre le même témoignage. Les courriers mettent tout même d'aujourd'hui. Doit refléter sa lumière sur ce que vous savez. Sur ce que vous dites. Si ce n'est pas le cas, méfiez-vous. Pour votre salut. Vous-même là. Avant d'aller demander les avis des autres. Conseillez-vous d'abord vous-même. Voyez d'abord si c'est scripturaire. Est-ce que ça garde avec la parole? N'allez pas prendre un seul verset auquel vous allez vous approcher comme une question de vie ou de mort. Vous allez interpréter même de travers. Non, si c'est scripturaire, il faut que toute la Bible rende témoignage. Que le même son apparaisse de la Genèse à l'Apocalypse. Ne vous limitez pas à un seul endroit. Qui dit amen? C'est le prophète, n'est-ce pas? Amen. Pas simplement écrit à un seul endroit. Mais je veux dire, absolument scripturaire, d'un bout à l'autre de la Bible. Et vous les fassiez. De par votre position. Disons que vous soyez un évangéliste, un pasteur, un docteur, un prophète, pour tout ce à quoi Dieu pourrait vous avoir appelé. Est-ce que de par votre position, pouvez-vous être un prophète, un évangéliste, un pasteur, un docteur, un apôtre, de par votre position? Parce que Dieu ne sème pas la confusion. Il ne met pas la discorde dans ses enfants. Il est plutôt celui qui les éclaire. Êtes-vous là? Il faut que chacun s'examine. Il arrive que nous les hommes, nous avons des passions et des ambitions personnelles qui parfois commencent à se confondre à un appel de Dieu. Non, si c'est ton ambition personnelle, quelque chose que tu rêves de faire, que tu as fait, alors laisse Dieu tranquille, fais tes affaires toi-même. Qui quand Zambé tranquille? Quand Dieu a un programme, il en révélera les caractéristiques. Voyez-vous? Donc, ou bien, si vous avez le don de l'âme, vous les donnez interprétation. N'importe lequel des neuf dons spirituels de l'Église. Ou les quatre offices spirituels de lui. Ou n'importe quelle position. Voyez d'abord si Dieu vous a appelé. Étudiez l'appel. Étudiez votre appel. Et Dieu est censé se faire connaître lui-même à vous. Parce que votre position en Christ n'est pas révélée à quelqu'un pour vous. Mais votre position en Christ est révélée par le Saint-Esprit. C'est à vous que Dieu révélera. Il dit amen à la vérité. Que Dieu nous aide. À demeurer franc, sincère. Alors, nous revenons à la citation que nous lisions ici. Là où nous étions en train de lire, frère Branham, dans les sermons, écoutez-les. Voilà. Il dit ceci. Un homme peut dire quelque chose. Mais si Dieu ne fait pas écho à cela, par sa parole et par sa présence, alors il n'a pas de témoin. Donc ce qu'il dit, s'il dit cela, et si la Bible dit cela, et que l'Esprit confirme cela, ça fait trois témoins. Alors c'est la vérité. Et c'est confirmé. Dieu dit que c'est ça. N'est-ce pas ce que nous avons entendu mercredi? C'était ça. Donc trois témoins. Le témoignage vrai. Il y a le témoignage de Dieu, notre Père Céleste, le Saint-Esprit de vérité. Il y a le témoignage de sa parole écrite et le témoignage de l'individu lui-même. Les trois doivent dire la même chose. Alors là, tu as établi un fait, tu as établi une vérité. Qui dit amen? Amen. Et nous avons entendu, heureusement le temps était parti l'autre jour, mais on peut quand même les lire aujourd'hui, dans Deutéronome ici, pour voir que le livre de Dieu est un témoin. Deutéronome 31, Dieu a dit ici, verset 24 à 26. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu. Et il sera là comme témoin contre toi. Wana esila kimose kofoma marobana miteko oyo na motanda kino suka mpenza. Mose alakela ki balewi ba oyo babumba ki sanduku na kondima na yawe eki. Kamata mokanda oyo na miteko pete yango na pembeni na sanduku na kondima na yawe nzambe na bino. Ete yango ezala wana lokola motatoli na tina na yo. Il sera là comme témoin contre toi. C'est-à-dire, quand tu fais des mauvaises choses, les actes de rébellion, les transgressions, les iniquités, les désobéissances, le livre est un juge et témoin contre toi. N'importe qui peut y lire et se reprocher. Et tu ne pourras pas les lire parce que la Bible est la vérité. Maintenant, quand tu fais de bonnes choses, ton livre t'appuiera. Te soutiendra. Te donnera du succès dans tout ce que tu as fait. Il n'est pas que témoin contre toi. Comprenez par là qu'il peut être témoin pour toi. Pour te défendre. Pour te donner de la réussite dans tout ce que tu as fait. Josué chapitre 1, vous le savez. Josué chapitre 1. Ce livre, nous devons le voir, l'avoir comme témoin prédit. Josué 1, verset 7 et 8. Même jusqu'au verset 9. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Vous allez vous donner la matasse, il faut y campico, mingi, fona, kokeba, koto, samipeko, yon, soro, mombo, nanganose, à la fila qui y a. Ne s'en détourne ni à droite, ni à gauche. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite les jours et nuits. Pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Amen. C'est alors que tu réussiras. Amen. Et il est important contre toi de l'autre que tu n'agis pas fidèlement. Lorsque tu désobéis, tu commets les iniquités, les actes de rébellion, alors il est tellement contre toi. Et Dieu, il ira pour te condamner. Dieu prendra ce qui est écrit dans son livre pour te condamner et t'envoyer en enfer. Mais quand tu as dit fidèlement, selon tout ce qui est écrit, même ton programme d'être élevé au ciel, tu réussiras dans tes programmes. Quand le Seigneur Jésus reviendra, il te trouvera serviteur fidèle. Il prendra son livre à témoin. La Bible confirmera, oui, il m'a obéi. J'étais à ses côtés tous les jours. Il m'a consulté, il m'a lu. Et il a appliqué ce que je lui ai appris. Maître, tu peux l'enlever. Tu peux le prendre avec toi. Il ne te déchèvera pas. J'ai dit à moi de son obéissance. Et sa fidélité. Et sa loyauté. Et sa consécration. Je suis fait moi. Que ton livre témoigne à ta faveur. Que ta Bible témoigne à ta faveur. N'est-ce pas vrai? Je suis lui-même la fille populaire. Ils ont d'abord le verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dites-moi, si vous prenez ce verset, vous l'isolez. La Bible dit, Dieu est avec moi. Il prend son livre, il est jeté là-bas comme ça. Tu n'as pas son livre, tu ne le lis pas, tu ne médites pas, tu l'appliques pas. Reconnaître que Dieu est avec toi. Non. Dieu est avec toi quand tu es avec ce livre. Quand ce livre ne s'éloigne pas de toi. On peut vous parler des gens qui ont rencontré les gens. Qui ont vu les êtres célestes. Qui ont vu la constellation de tout ceci. La Bible dit que personne ne vous séduise pareil que le présent. Ayez l'œil sur le livre ici. Car dans le serment, si Dieu est avec nous, le prophète a dit, l'ange du Seigneur vient à ceux qui sont scriptés. Les gens qui se moquent de la Bible. Ah, on a les la Bible. Ils doivent être scriptés. Ça doit être les gens fidèles à la Bible. Tous ces gens qui méprisent la Bible, qui ne la méditent même pas, qui ne prêchent pas de l'Église, mais ils ont brandi les photos de colonnes de feu, en train de prendre avec les prédicateurs. Voilà, vous allez voir, l'ange est venu, le bras. Il était pieds nus, on a vu la Bible. La Bible dans tout ça. Ouais, puis il y a quatre des gens qui n'ont pas la Bible, qui n'ont pas les anges, c'est le diable qui vous séduit. L'ange du Seigneur vient à ceux qui sont scriptés. À des gens bibliques, pas des cigarettes, pas des gens séduits, tous des esprits séducteurs. L'ange de Dieu n'a rien à faire là-bas. On va les combattre, oui. Jésus a parlé dans Jean 5. Nous l'avons lu ici à l'introduction. Dans Jean chapitre 5. Dans Voyez, même Jésus lui-même, le témoignage qui grandit, ça ne se limitait pas à son témoignage. Et moi j'ai dit, si vous voulez, vous prenez, si vous ne voulez pas, vous prenez. Il devait être conforme à la parole. Ce qu'il disait, il a dit dans Jean 8, là vous le savez parce que là, on l'a lu plusieurs fois. Jean 8, il ne pas Il a rendu témoignage au sujet de Jésus-Christ. Et son jugement était vrai. Alors il dit, moi je rends témoignage. Et mon père rend aussi témoignage de moi. Alors il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux personnes est vrai. N'est-ce pas vrai? Ne les crains pas à outrance. Ce même livre-là contient aussi assez de grâce. Il peut aussi témoigner pour toi. Il a commencé par témoigner pour Jésus-Christ. Et de là, tous les autres enfants de Dieu, réjouissez-vous. Réveillez de joie. C'est même que Jésus a reçu un témoignage favorable. C'est la Bible dit que toi aussi tu le seras un témoignage favorable. Que ce livre ne s'éloigne pas de vous. Agis seulement fidèlement. Ne dis pas la parole est dure. Ne dis pas qu'elle est difficile. Non, Dieu l'a rendu facile à cause de toi. Et pour ton salut, il l'a simplifié. Cette parole témoignera pour toi. Amen. Nous disons amen. Elle témoignera pour toi. Vous sondez les écritures parce que vous pensez avoir un être. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir un être. Oh. Dans Hébreux chapitre 5, Christ entra dans le monde. Il connaissait son identité. Il savait qu'il était question de lui. Hébreux chapitre 10. Écoutez la Bible. Verset 5. Ah oui. C'est pourquoi Christ entra dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. Na bongo awa ete ikli sokati na mouti ya lombi ete. Olina kimbe kampe makabona kusamba kutomba ke kasi ozili kongi serangai zoto. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, si va bien, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Jésus-Christ est notre modèle. Il a dit ça de lui-même. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Il nous a montré l'exemple à suivre. Il nous apprend à croire aux promesses de Dieu. À croire au royaume de Dieu. Et ce royaume, c'est pour vous, c'est pour moi. Il n'est pas vrai. Chaque promesse dans le livre est mienne. Chaque chapitre, chaque verset. Chaque ligne. N'est-il pas vrai que je crois à l'amour divin? N'est-il pas vrai que dans la Bible, il est question de vous aussi? Amen. Quand dans Malachie 4, verset 2, Dieu a dit, pour vous qui craignez mon nom, je vais aller sur l'aide de la justice. Est-ce que ça concerne Jésus-Christ ou vous? Ça concerne qui? Jésus-Christ ou vous? Jésus-Christ ou son nom? C'est clairement écrit. Voilà, on a connu les trucs pour maman. Quand il est écrit, dans Galates chapitre 4, verset 28, vous êtes vous êtes les enfants de la promesse. Ça concerne qui? Jésus-Christ ou non? Vous et moi? Combien en gagne? Je pose cette question. Quand Galates 4, verset 28, pour vous frères, pluriel, pour vous frères, comme il vous êtes les enfants de la promesse. Ça concerne Jésus-Christ de Nazareth. Il est question de qui dans ce verset là. Quand il est écrit, dans 1 Thessalonique 4, nous ne voulons pas faire que vous soyez dans l'ignorance. Aussi bien ceux qui sont décédés. Ça concerne que Jésus ne veut pas. C'est de vous qui n'êtes que sur nous. C'est vous qui ne devez pas être dans l'ignorance. Vous, pluriel, vous et moi, dans le rouleau du livre, dans la Bible de Dieu, il est aussi question de nous. Amen. Amen. Quand il est écrit dans 1 Samuel chapitre 5, verset 9, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça concerne Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Où si vous et moi, c'est nous le bénéficier du salut. Amen. Dieu est merveilleux. Amen. Dieu est merveilleux. Amen. Quand il est écrit, dans Hébreux 13, au verset 20, que le Dieu de paix, qui a ramené Jésus-Christ dans le monde, fasse en vous ce qui lui est agréable. Il est question de qui dans ce matin. Il a versé un sang d'une alliance éternelle. C'est votre temps, c'est votre tour. Que ton livre témoigne en ta faveur. Je vais donner quelques exemples. Pour que tu ne sois pas déboussolé. Mais que tu reçoives une consolation. Que cette parole a pris ton cœur. Dans cette Bible, il est question de toi. Lorsqu'il est évidemment, je sais. Allez par tout le monde. Laissez la bonne nouvelle. C'est lui qui croit. Et qui sera baptisé. Sera sauvé. C'est lui qui ne croira pas. Sera condamné. De qui s'agit-il? Jésus grandit à Nazareth. Mais il s'agit de vous et moi. Et nous qui entendons la bonne nouvelle. Nous croyons cela. Pour que ce livre témoigne notre faveur. Il peut témoigner ainsi de chrétiens. Pour ce livre peut parler beaucoup de chrétiens. Ne peut-il pas témoigner des serviteurs mandatés de Dieu? Ne doit-il pas rendre témoignage au ministère authentique? Mais bien sûr qu'il doit le faire. Non, parce que si lui ne le fait pas, il va nous sauver. Il va nous aider. Il va nous toucher. C'est ça le livre de la vérité. Amen. Alors, bon, venez Esaïe 8. Vous avez ça, mon capomande. Le verset 19 et 20. Molongo. Il y a un final du qui nous trouve valeur. Oh, ça très magnifique. Oui. Bon, peut-être que vous avez déjà trouvé. La technique traîne encore aussi. Esaïe 8, verset 19 à 20. Voilà. Si l'on vous dit, consultez ce qui évoque les morts. Et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent ces sifflements de soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? N'abonnons pas un Dieu vivant pour consulter? L'autre Dieu ne vit-il pas? L'Esprit de Dieu n'est-il pas éternel? N'a-t-il pas promis d'être dans le peuple? Ne peut-il pas nous parler? Dieu notre Père, notre Rédempteur, notre Sauveur, il a promis de marcher au milieu de nous. Nous pouvons le consulter. Il peut nous répondre. Il peut nous éclairer. Il peut se révéler. Il peut nous fixer. Il est l'Esprit. Et il est Dieu. Le peuple s'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Peine perdue. Nous avons un Dieu vivant. Le Saint-Esprit du ciel. Notre Père céleste. Il parle encore. Je crois en lui. Allons au chemin. Pas seulement Dieu. Vous voulez embêter. Pas seulement Dieu. Vous voulez embêter mon Dieu. L'invisible. Le surnaturel. Le tout-puissant conquérant. Le héros. Mais également, amen. Il nous a donné un autre soutien. Amen. Dieu, c'est la personne de Dieu. C'est l'Esprit de Béthique. Le Saint-Esprit agissant. La colonne de feu sur nous. Là, c'était le verset 19. Ben, vous lisez maintenant quoi? À la loi. On vous l'amène à la parole. Et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'horreur pour le faire. Amen. Les témoignages et tout ce que l'on veut dire. Hein? Nous consultons de qu'est-ce qu'il a dit. Il est esprit. Et dit. Il est surnaturel. Une lumière. Une colonne de feu. L'ange de l'Alliance. Défenseur de la vérité. Mais il nous a donné un soubassement. Le livre de la parole écrite. De la loi. Elle fait loi. Tout le monde doit y obéir. Il n'y a pas d'exception. C'est la loi de Dieu. Quand quelqu'un parle, ça doit être conforme. Vérifiez maintenant. Il peut dire Dieu m'a dit, mais donc, moi je n'étais pas là. Je n'étais pas là quand Dieu t'a parlé. Mais j'ai besoin de la confirmation de Urim et Thummim. Le témoignage de sa Bible absolue. C'est sa parole écrite. Que ça concorde. Je dois trouver les choses pratiques. Et ici, il est dit, à la loi, et au témoignage, des prophètes. Des prophètes qui parlent au nom du Seigneur. Il y a la loi, il y a les témoignages des prophètes qui ont la révélation. Mais ainsi dit le Seigneur, le message frais, le oracle du Dieu vivant. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'horreur pour le peuple. Ne n'est-ce pas que c'est bon comme ça? La parole de Dieu dit quoi? Le verset 26. La parole de Dieu dit quoi? Le verset 26. Vous répondrez, c'est à l'enseignement et à la parole du Seigneur qu'il faut revenir. À l'enseignement et à la parole du Seigneur qu'il faut revenir. Celui qui ne dit pas cela ne verra pas la lumière du matin. Pour les congolais, pour les congolais, pour les congolais, pour les congolais, pour les congolais, pour les congolais, vous devez parler comme ceci. Revenez à l'enseignement de la parole. Et la parole du Seigneur. La parole révélée au prophète. Mettez les deux ensemble. Faites en sorte que ça dise la même chose. Voyez la vérité révélée. Avec son sous-bassement biblique. Si tu ne parles pas comme ça, tu n'auras pas la lumière de Dieu. Quand Jésus-Christ reviendra, toi tu ne seras pas pris dans la lumière. Dans 2 Pierre chapitre 1er, dans le même côté de 2 Pierre 1, le verset 19. Écoutez. De plus, nous avons la parole des prophètes. Il est très solide. Et vous avez raison de la regarder avec attention. Toujours dans notre tradition, parole de Dieu. C'est écrit ici en bas. Regardez en bas. Le nom de la tradition est ici en bas. Là. Vous avez ce tableau ici. Tableau, non? Pas Bible, parole de Dieu. Biblia, c'est un peu différent de ce que vous lisez dans vos Bibles habituelles. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention jusqu'à ce que les jours viennent à s'élever et que l'étoile du matin brille dans vos cœurs. De plus, nous avons la parole. Elle est très solide. Et vous avez raison de la regarder avec attention. En effet, elle est comme une lampe qui brille dans les en attendant quoi? En attendant que la lumière du jour paraisse et que l'étoile du matin éclaire vos cœurs. Mais vous n'aurez pas que la parole des prophètes de soir, il vous faut aussi l'enseignement du Seigneur. La parole écrite. Nous, nous avons la parole du prophète pour nous. C'est pas vrai? Et nous avons également la Bible écrite. Vous avez les deux. L'enseignement fondamental est dans la Bible. Comme on l'a vu avant-hier, toute écriture est inspirée de Dieu. Est-il pour instruire, enseigner, pour corriger? C'est l'écriture. La parole écrite. Ayez les deux. Vous en si vous n'avez pas les deux, vous, pas vous ne verrez pas la lumière du matin. Il n'y aura pas de lumière du matin pour vous. Vous voulez la lumière du matin? Est-ce que présent au rendez-vous de la revenez à l'enseignement. Et de l'enseignement du Seigneur et à la parole prophétique, le témoignage des prophètes, le témoignage de la vérité. Est-ce que chacun retient? Amen. Alors, quel que soit le ministère, pour éprouver et pour identifier, pour éprouver, nous avons déjà dit, c'est la parole de Dieu. Maintenant, pour identifier, on a ces questions. Nous ne pouvons pas poser ces questions par mails. Avec but. Pour arriver à identifier un don, de sorte que ce que Dieu a dit à l'homme, et ce que la Bible dit du ministère qu'il est censé avoir, et ce que lui-même déclare être, que ça soit une seule et même vérité, qui peut être établi parmi nous. Selon l'enseignement, la parole des prophètes, le témoignage de Dieu lui-même, amen. Il doit avoir un témoignage. Vous comparez partout là, c'est ok. Et donc là, vous vénifiez là. Mais attention, il faut que ça vous parvienne par rébellion. Parce qu'il peut se faire et les témoins vous disent autre chose. Au nom de l'humilité chrétienne, au nom de l'épanouissement. Il peut avoir quelque chose, mais il ne pas vous dire grâce. Ça ne doit pas déranger quelqu'un. Alors, toi, si tu as une révélation, je suis sûr que c'est Dieu. Je confronte ça avec la parole. La parole des prophètes. La parole écrite. Que tout ça s'harmonise. La commission. Marche par cette expression. C'est là que dans Romains 14, il est dit, cette foi que tu as, garde-la pour toi-même devant Dieu. Si tu sais que cette chose t'est révélée, même si tu ne peux pas voir le serviteur, mais autre chose, garde ce qui t'est révélé. Parce que ta révélation, quand il est confirmée, elle est infaillible. Il va marcher par la révélation. N'est-ce pas vrai? Jean-Baptiste, c'est-il Élie? Selon son propre témoignage. Et maintenant, selon la parole, et le Seigneur qui a établi Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, était-il Élie? Vous avez la réponse. Il vous demande, mais Jésus allait voir ce serviteur-là. Il a commencé à me parler des choses. Moi, je crois qu'il doit avoir peur. N'en faites pas des discussions. Gardez cette foi que vous avez. Donc, et tu ne le sais pas. Oui, si vous voulez bien vous dire, il y a un autre problème. Vous lirez à partir du paragraphe 5 et 3 et vous descendez. Venez, frère Brenham, raconter une histoire. Une personne est venue lui raconter. D'abord, il a reçu la visite d'un certain homme qui lui a dit, je suis le prophète de ces jours. Et quelques temps après, quand il est venu lui dire ça, il y a tel monsieur là-bas qui écoute les bas. Il m'a dit que William Branham, il est le prophète de ces jours. Maintenant, laisse tomber la demande à celui-là qui lui dit qu'il est le prophète de ces jours. Finalement, vous êtes à combien? Vous allez bonir. Donc, vous êtes à combien, vous le prophète? Il y a ce frère là qui écoute les banques. Il m'a dit que William Branham est le prophète de ces jours. Vous êtes à combien finalement? Il était troublé. Pourquoi troublé? Parce qu'il n'avait pas la révélation. Il écoutait ce que les gens disaient. Il a dit que c'est lui, l'autre qui dit Saint-Père, l'autre qui dit Frère, quand Pierre a répondu, dans Matthieu 16 là-bas, il n'a pas pris une des assertions qui figurait là-bas dans la liste. Il a donné une réponse originale. Et le Seigneur qui était là a béni. Ce n'est pas la chair et le sang qui ont révélé. Cette révélation vient du Père qui est dans les cieux. Voilà la réponse originale. Et Jésus a reconnu. En d'autres termes, il a reconnu que ce qu'il a dit est la vérité. Mais il ne lui a pas dit, Jésus-Christ, Jésus, dans Matthieu 16, là. Il n'a pas dit à Pierre, oui, je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. Non, il n'a pas parlé comme ça. Pierre a déclaré sa révélation. Et Jésus dit certainement, il est heureux, c'est mon Père qui est dans les cieux. Voyez-vous là, ce geste en haut? Est-ce que Jésus a dit qu'il était le Christ? Je vous demande. A-t-il dit qu'il était le Christ? A-t-il dit qu'il était le Christ du Dieu vivant? Mais un disciple est là. Il déclare qu'il est ça. Jésus ne dit pas non, tu as ma vie. Il ne dit pas oui, tu as dit vrai. Il dit tu es heureux. Alors, okay. Le Père t'a révélé. Maintenant, d'après Jésus, est-il le Christ, oui ou non? Est-il le Fils qui ne dit pas oui ou non? Un jour, les gens étaient en suspense. Ils sont allés demander. Quand va-t-il tenir notre espèce en suspense? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Il dit, je vous l'ai dit depuis le commencement. Amen. Puis il a dit où et quand. Alors, vérifiez dans ce livre, il n'a pas dit. Oui, je vous l'ai dit depuis Mais il a dit quoi? Alors, au lieu de dire je suis le Christ, il dit que je vous l'ai dit. Alors, il a levé le livre. C'est dit, oui, il m'a dit, voilà. Amen. Amen. Il y a un monnaie ici, là, il dit, Samino. Amen. Mais il y a un monnaie ici, aux Anglais, sont sautés. Seigneur, quelle façon de se présenter? Amen. Les choses de Dieu ne sont pas passées comme à l'école. Ma campagne dans les petits ils ont des révélations. Amen, c'est vrai. Ce que quelqu'un a dans ma détail, voilà, mais c'est le bâtiment. Voilà, moi, je suis une église. Tu seras de fond brillé. Amen, c'est vrai. Nous continuerons prochainement. N'est-ce pas? Amen. Il faut toujours ce témoignage. Amen. De Dieu lui-même. Du serviteur. Bon, quand même on prend. Le serviteur, c'est plus la commission qui est importante. Ce que Dieu lui a dit de faire. Le travail qui lui est confié. On vérifie dans la parole du prophète. Oui. Et dans l'enseignement de toute la Bible. Pas seulement écrit à un seul endroit. Mais d'un bout à l'autre de la Bible. Au minimum, trois témoins. Alors que l'Esprit aussi nous rend des témoignages. Parce que nous, Dieu est vivant. Nous pouvons le consulter. Il peut nous fixer. Il peut nous éclairer. Il peut préciser les choses. N'est-ce pas, Taberna? Que Dieu vous bénisse. Le nom de Dieu pour la prière maintenant. Le Seigneur seul éclaire mon chemin, sa parole seul le feu. Le Seigneur seul éclaire mon chemin, sa parole seul le feu. Il est Dieu bienveillant, notre Père céleste, nous te rendons grâce et gloire au nom de Jésus-Christ pour ton grand amour à notre égard. La grâce que tu nous donnes maintenant, c'est de méditer les choses du Père céleste, les choses de ton royaume éternel, car nous sommes héritiers de cela. Un jour tu nous amèneras là-bas, mais ici nous sommes sous les temps de souffrance, les temps de la tentation, les temps des épreuves, et Dieu est notre soutien que nous reçons. Des gens dévoyés. Mais Seigneur, tu nous appelles à briller comme lui. Soyez le sel de la terre. Fais de mon frère cela. Fais de ma soeur cela, Seigneur. Nous sommes sur les prières de ces jours. Au courant de ce culte. Les prières dans la chaîne de prière. Nous avons adressé cette famille. Confirme et bénis. Confirme et confirme ta promesse. Lève nos cœurs au bon endroit. Brise les sommeils. Veuillez vous asseoir. Et que Dieu vous bénisse richement. Amen.